aucune nouvelle victoire, nouvelle hésitation. Simplement ce soir, on pourrait se détruire, mais pas se déchirer, simplement s'aimer. Dans les yeux, je voudrais préserver.